Chapitre 14e, la perche de bambou. Comme M. Desboisbilly l'avait, à l'instigation de Paulin Broquet, demandé au ministre anglais, un attaché du Foreign Office arriva à partir porteur de documents d'importance absolument secondaire. Mais l'attaché du Foreign Office voyagea en incognito diplomatique, que chacun pouvait aisément reconnaître. M. Desboisbilly l'accueillit avec mystère. Il convoqua aussitôt M. Simonet, ses différents chefs de service, même le jeune Reynaud, et le recommandant la plus absolue discrétion, le remit à chacun les dossiers les concernant. Dans la soirée, ces documents, étudiés à loisir, furent de nouveau apportés par les chefs de service dans le cabinet du ministre, et ils furent déposés dans l'armoire de fer dont M. Simonet assumait la responsabilité. Puis, les postes de gardien ayant été doublés, Michel eut mission de faire toute la nuit des rondes par le ministère. M. Simonet, ainsi qu'il en avait la charge, ferma la porte de l'armoire de fer. Il mit la clé dans sa poche et se retira bien longtemps après le ministre. La nuit vint. Dans les couloirs sombres du ministère, dans les bureaux des divers services, on vit passer à tout instant la lueur du fanal de Michel, le brave serviteur, les gens qui avec lui faisaient des rondes. Gabriel et deux hommes de la brigade se trouvaient parmi les veilleurs. Quant à l'amorce, il surveillait la maison de Pepa d'Ortega, qui donnait à dîner à quelques amis. Et Paulin Broquet filait au théâtre le marquis Don Isigo Martolo. Les documents de l'armoire de fer semblaient donc rien avoir à redouter. Jamais un ministère français ne fut si bien gardé que cette nuit-là. Cependant, tandis que ces rondes s'opéraient, et que dans le ministère où généralement tout le monde dormait à la nuit tombée, chacun veillait avec une angoisse suprême, redoutant vraiment de voir paraître, à tout coin de couloir, à toutes les portes, le cambrioleur extraordinaire, l'homme qui voulait voler les documents, pendant cette nuit-là, dis-je, dans ce ministère si bien gardé, un homme se glissait tranquillement, et semblant se jouer des rondes, se dirigeait sans la moindre hésitation vers le bureau du ministre. Vêtu d'un costume très ajusté, semblable à un maillot de couleur gris bleu foncé, les pieds chaussés de souliers en caoutchouc strié, la tête masquée par une cagoule de même couleur que son vêtement, il semblait avoir le don d'ouvrir les portes sans effort ou de passer à travers les murs sans encombre, car il se trouva soudain dans le bureau même de M. Desboisbilly sans que personne n'eût pu s'apercevoir de sa présence, sans qu'aucun des veilleurs se fût douté que quelqu'un glissait, pour ainsi dire, sous son nez. L'homme en cagoule s'approcha du coffre, l'ouvrit avec la sûreté, la rapidité de quelqu'un qui en a la clé et connaît tous les secrets des serrures. Il tira vivement hors du coffre quelques chemises en fer, dans lesquelles on avait enserré les nouveaux documents. Pour ne point faire de bruit, il étala ses chemises sur le parquet, recouvert de tapis. Il ouvrit ses boîtes et se mit à faire choix de documents. Dans la cour intérieure du ministère, sur laquelle donnait une des croisées du cabinet, brillait une grosse lampe électrique. Par précaution, on devait la laisser allumer toute la nuit. Cette lampe suffisait largement à éclairer entièrement le bureau du ministère. À sa lueur, l'homme put parfaitement regarder les documents. Il les examina rapidement, un homme qui avait l'habitude de manier de tels papiers. Mais il semblait vraiment décontenancé de ne pas découvrir ce qu'il cherchait, ou ce qu'il espérait trouver parmi eux. Il remit alors les chemises de fer dans l'armoire, et alla en prendre d'autres, qu'il choisit soigneusement sur les rayons d'acier, mais les bruits de pas venant vers le cabinet du ministre le firent arrêter dans son singulier travail. Surpris, il écouta, mais les pas s'éloignèrent. C'était la ronde conduite par Michel qui passait. La confiance lui revint et il recommença sa besogne d'inspection. Il avait étalé sur le tapis du parquet, comme la première fois encore, une chemise pleine de documents, et à la lueur du globe électrique de la cour, il parcourait rapidement les papiers quand tout à coup, sans bruit, la porte donnant sur le cabinet de M. Simonet s'ouvrit et un homme parut, tenant à la main un revolver. « Oh les mains » cria-t-il. « Rends-toi !» C'était Paulin Broquet qui, abandonnant Don Isigo Martolo, se rendant en galante compagnie dans un restaurant de nuit, avait eu l'idée de venir voir si rien d'anormal ne se passait au ministère. « Oh les mains !» dit-il. L'homme en cagoule grise, qui fouillant dans les documents, leva les mains aussitôt, et à travers les trous de sa cagoule, les lueurs vertes de ses yeux de fauve se dirigèrent vers celui qui venait d'entrer et qui le menaçait de son revolver. Il se dressa sur ses pieds de toute la hauteur de son corps, tenant au-dessus de sa tête les mains levées, mais il reculait lentement, comme apeuré, effrayé par la menace du revolver du détective qui entrait. Puis il s'arrêta à l'angle de la pièce, entre une des grandes croisées et une porte, et là, il attendit. Paulin Broquet, avec son revolver, fit deux pas en avant, toujours menaçant de son arme. Il s'apprêtait à s'emparer des bras levés pour les enchaîner, quand l'homme, qui levait ainsi les bras, fit un bond et saisit à pleine main l'un des rideaux de la croisée près de laquelle il se tenait. Il s'accrocha au rideau, s'y suspendit, et pesant de tout le poids de son corps, il tira fortement sur le rideau. Alors, sous le poids, sous les secousses, ce rideau épais et lourd, arraché violemment avec son baldaquin, s'écroula dans un flot de poussière et tomba sur l'homme armé du revolver. Deux coups de feu partirent. Mais quand l'homme pris dans le rideau se dégagea, en éternuant, les yeux à demi aveuglés par la poussière, quand il eut fait jouer la lumière électrique, la salle était vide. L'homme aux yeux verts avait encore fui de ses mains telle une anguille glisse dans les doigts du pêcheur qui croit la tenir. Paulin Broquet était maintenant entouré de tous les veilleurs accourus à ses coups de feu et la chasse à l'homme commença dans tout le ministère. Tout le monde s'était précipité du même côté. Tout le monde accourait dans le bureau du ministre, si bien que le reste du ministère était vide de gardiens. Gabriel et ses aides commirent cette faute. À leur décharge, il faut dire qu'il leur était recommandé de se porter au bruit du coup de feu, comme une armée doit aller au canon, cette faute d'accourir eux aussi vers ce même point. Ziegmar ne pouvait mieux espérer. Devant lui, le chemin était libre. Il put donc s'engager dans le long couloir qui va des appartements du ministre à l'autre extrémité de la rue et donne sur les croisées ouvrant sur les quais. Paulin Broquet, comprenant que le bandit devait prendre ce chemin, se précipita dans ce couloir. Il y pénétrait quand des coups de feu éclatèrent dans sa direction. Ziegmar tirait pour protéger sa fuite. Ce détail ne devait pas arrêter Paulin Broquet dans sa poursuite. Mais Ziegmar, profitant de son avance, avait pu gagner le bout du couloir. Il sauta sur l'appui d'une des hautes croisées. L'extrémité d'un énorme bambou apparaissait à cette croisée. Ziegmar s'y cramponna des deux mains. Puis, il plia les genoux et brusquement étendit fortement les jarrets pour se donner le plus d'élan possible. Il se lança dans le vide. Ce bambou, garni de montants d'aluminium qui le traversaient, formait échelle. Léger, solide, très résistant, il se composait de plusieurs tronçons d'égale force, se plaçant bout à bout et maintenu par des colliers d'acier fixés à baïonnette. Cette échelle, ainsi constituée, pouvait obtenir toutes les hauteurs nécessaires jusqu'au dernier étage d'une maison. Elle se montait en peu de temps et pouvait, sans service rendu, se diviser rapidement et être transportée sans demander beaucoup de place. Ici, appuyée au sol et maintenue par deux hommes, sur un sabot de bois qui l'empêchait de glisser, elle décrivit sous l'élan donné, comme un rayon de roue, une demi-circonférence. Ziegmar, suspendu, cramponné aux échelons du sommet de l'échelle, opéra sa demi-circonférence en voltige. Il vint tomber, de 12 mètres de haut à 12 mètres de la maison, dans un filet que ses hommes tenaient tendu solidement au coin de la rue, ayant exactement repéré la distance pour le bien recevoir. Le bandit tomba donc au milieu du filet. Sa chute fut absolument amortie comme celle d'un gymnasiarque dans le filet d'un cirque. Immédiatement, il fut sur pied. D'un bond, il sauta dans la voiture automobile qui l'attendait. Quand Paulin Broquet arriva à la croisée, ce fut pour voir les aides divisées et emporter leur échelle, et pour constater une fois de plus que son merveilleux adversaire lui brûlait la politesse.